Né le 5 février 1967, Olafur Eliasson est un artiste contemporain. Il a étudié de 1989 à 1995 à l'Académie royale des beaux-arts du Danemark, puis diplômé en 1995. En 1993, il s'installe à Berlin où il installe son atelier. Olafur décrit son atelier comme un atelier laboratoire où le questionnement, la recherche et l'expérimentation constituent la base essentielle de sa démarche artistique. Eliasson développe et produit des œuvres de grandes installations et photographies au caractère fortement expérimental. Ses œuvres intègrent les notions d'espace et de temporalité du design de la science qu'il met en relation. Sa première œuvre est Boti. Après avoir obtenu son diplôme, Eliasson décide de déménager à Berlin et de créer le studio Berlin en 1995. Il est professeur à l'Université des Arts de Berlin de 2009 à 2014 et est professeur adjoint à l'aile de l'École des Beaux-Arts et des Arts Addis Abeba. Olafur a fondé un institut pour les expériences spatiales qui a ouvert à l'intérieur de son immeuble en avril 2009. The Weather Project est une installation géante réalisée en 2003 dans le Turbine Hall de la Modern Tate de Londres. Il a recréé le soleil et le ciel. C'est un écran semi-circulaire de 14 mètres de diamètre qui est suspendu sous un faux plafond miroir. Derrière l'écran, il y a 200 ampoules à monofréquence, une lumière suffisante pour que les visages des spectateurs soient éclairés, ainsi que tout l'espace, et une brume artificielle pour créer l'illusion du soleil. La fréquence à laquelle ils émettent de la lumière est si faible que toute autre couleur que le noir et le jaune est invisible. Sur ce site dédié à l'art, Eliasson a reconstitué un élément naturel qui est un coucher ou bien un lever de soleil. Cette idée a été conçue quand Eliasson était à Londres. Même s'il a neigé la veille, le temps était encore chaud et les gens parlaient du réchauffement climatique. The Weather Project a tenté de donner aux spectateurs l'illusion d'être proche du soleil dans les nuages. Certains adultes et enfants se sont allongés sur le dos, regardant le plafond et faisaient des mouvements pour pouvoir regarder le reflet.